بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 95 en explication de Kitab al-Tawhid avec le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh. Et c'est dans son charh Qurratu Uyun al-Muwahidin et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc, on est toujours dans le chapitre Bab. Man tabarraka bi shajaratin aw hajarin aw nahwihima. Donc, on a expliqué le hadith de Abu Waqid al-Laythi rahimahullah à propos de yani sidrati dhat anwat. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc on va continuer dans l'explication du hadith. Et au dernier cours, quand on s'est arrêté, on expliquait les deux versets dans Surat Yunus, le verset 105 et le verset 43 dans Surat Ar-Rum. Le premier verset c'est wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wa la takunanna min al-mushrikin. Et l'autre verset fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit wa tadammanat hatan al-ayatan وما في معناهما التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. Donc le Cheikh il dit الذي دلت عليه لا إله إلا الله نفيا وإثباتا كما تقدم بيانه فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك. والقرآن كله في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الدين الذي هو أصل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قوله السنن بضم السين أي الطرق يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده. وقوله قلتم والذي نفسي بيده يعني حلف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة ولذلك شبه قولهم هذا قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فظهر بهذا الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيرها لطلب البركة بها شرك في العبادة وشرك عبادة الأصنام شرك في العبادة كشرك عبادة الأصنام وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم أي اليهود والنصارى وقد وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة كحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي رواية ومن الناس ومن الناس إلا أولئك. Donc on va traduire ça avec les commentaires. En même temps, on va, au fur et à mesure qu'on avance, expliquer les clarifications de Cheikh Al-Fawzan sur ce passage-là. Donc le Cheikh, et ça c'est en passant, c'est la fin de ce chapitre dans le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. On a complété le chapitre 9. Donc on va traduire la fin de ce chapitre et on va rajouter les commentaires de Cheikh Al-Fawzan. Et ça sera la conclusion de ce chapitre pour le chapitre au sujet de At-Tabarruk. Donc ici le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit que les deux versets qu'on a expliqués dans Sourate Ar-Rum et dans Sourate Yunus et les versets qui sont dans le même sens, ils comprennent en fait l'explication du Tawhid. Et ils indiquent la définition ou la signification de ce qui est yani, impliqué par le témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et ça comprend la négation et l'affirmation du témoignage. L'affirmation et la négation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation de l'adoration pour Allah seul. Donc c'est pour ça qu'on dit nafyan wa ithbatan. Donc il dit quiconque tourne son cœur vers autre que Allah pour rechercher un bienfait ou pour repousser un mal, alors il a commis du shirk. Il a associé avec Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Et le Coran en entier a été révélé justement pour confirmer ce principe, ce grand principe du tawhid dans l'islam. Et c'est le fondement même de la religion. Et Allah ne va pas accepter une religion autre que celle-ci de quiconque. Donc la religion de l'islam, c'est la religion du tawhid. Et il n'y a pas d'islam sans tawhid. Et le cheikh, il explique ensuite, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, yani Allahu Akbar, innaha sunan. As-sunan, yani c'est le pluriel de sunnah. Et ici, as-sunan avec ad-damma, ça veut dire les voies. Hein? C'est-à-dire que vous êtes en train d'emprunter les voies de l'égarement. Les voies de ce qui vient en contradiction avec la religion que Allah a révélée et a légiféré pour ses serviteurs. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici. Il dit, لِأَنَّ دِينَ اللَّهِ صِرَاطٌ وَاحِدٌ وَطَرِيقٌ وَاحِدٌ أَمَّا الضَّلَالُ فَهُوَ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ لَا نِهَايَةَ لَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَجَعَلَ صِرَاطَهُ وَاحِدًا وَجَعَلَ مَا عَدَاهُ سُبُلًا كَثِيرَةً مُخْتَلِفَةً. Donc ici le cheikh il explique que parce que le chemin d'Allah, la religion d'Allah est une voie unique, un seul chemin. Tandis que l'égarement, eh bien c'est des chemins qui sont multiples et qui sont nombreux et qui sont yani, sans fin. Il n'y a pas de limite au nombre de chemins d'égarement qui peuvent exister. Pourquoi? Parce que le mensonge est infini. La vérité est unique. Lorsque tu dis la vérité, ça peut juste être une chose. Mais si tu veux dire quelque chose de faux, il y a une infinité de mensonges que tu peux raconter ou inventer. Et c'est pour ça que le chemin d'Allah est un chemin unique. Hein? Comme les koufars parfois qui disent tous les chemins peuvent mener à Dieu. N'importe quel chemin que tu empruntes, c'est pas grave. L'important, c'est que tu arrives à la même destination. Ça, c'est batil. Ça, c'est totalement faux. Il y a un seul chemin. Et même s'il y a d'autres chemins, ils ne peuvent pas t'amener à Allah Azza wa Jal. Le seul chemin qui peut t'amener à Allah, c'est le chemin que Allah Azza wa Jal a ordonné de suivre. Et il a cité cet exemple dans le verset dans le Coran, dans Surat Al-An'am. Le verset 153, dans lequel il dit ce qui signifie « Et voici mon chemin droit, dans toute sa droiture, dans toute sa rectitude, suivez-le donc. » Et il dit « Et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin hein, et vous égarer. » Donc ça c'est la preuve que le chemin d'Allah c'est un chemin unique. Et que tous les autres voies qui existent, ou les sentiers, ou les chemins qui existent, Ils sont très nombreux, mais ce sont des chemins vers l'égarement. Et c'est pour ça que, par rapport à ce verset justement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait, comme c'est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait une ligne droite sur le sol, et que à gauche et à droite, de chaque côté de ce trait, il a fait des petites lignes. Et il a dit, hein, le chemin droit, c'est le chemin d'Allah. Donc ça représente le chemin d'Allah. Et les petites lignes à côté, il dit ça, c'est le chemin d'égarement. Et à la tête de chaque petit trait, il y a un shaitan qui appelle les gens à le suivre. Et celui qui suit ça, il rentre en enfer. Donc il ne faut pas se dévier du droit chemin. Ensuite, le cheikh, il explique, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, rahimahullah, qawluhu qultum walladhi nafsi biyadih. C'est-à-dire que, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne à ces nouveaux convertis qui ont demandé justement qu'on leur donne, qu'on leur désigne un arbre béni, soi-disant, qui va bénir leurs épées ou leurs flèches. Hein? Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je jure par celui qui tient mon âme en sa main, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, parce que c'est Allah qui tient notre âme, à chacun d'entre nous, dans sa main. Et donc il dit, je jure par celui qui tient mon âme en sa main, que ce que vous avez dit, en demandant un arbre, that anwat, comme celui des mushrikins, eh bien, c'est équivalent à ce que les fils d'Israël ont demandé à Moussa, alayhi salam, lorsqu'ils lui ont demandé de leur désigner une divinité ou une idole, comme celle que les mushrikins ont. Hein, dans le verset 138, dans Surat Al-A'raf, quand ils ont dit, « Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. » Donc, comme eux, ils ont des divinités, désigne-nous une divinité. Eh bien, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de leur expliquer en même temps que le fait de rechercher la bénédiction des arbres ou des pierres, ça implique et ça signifie qu'on en fait une divinité lorsqu'on fait ça. Même si on ne l'appelle pas une divinité. C'est comme des gens, par exemple, parmi les mushrikins, parmi les animistes et autres, qui cherchent la bénédiction de certaines pierres. Hein? Ils pensent qu'il y a des pierres qui ont un pouvoir spécial, et donc ils vont prendre des pierres, ils placent ça sur leur front, ou sur leur ventre, ou sur leurs épaules, ou il y a différentes parties de leur corps. Des fois, ils vont porter ces pierres-là dans un collier, et ils pensent que cette pierre, elle a un pouvoir spécial, qu'elle peut bénir ou qu'elle peut donner une guérison ou des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est des exemples. Et des fois, c'est des arbres, hein, un morceau de bois, une partie de l'arbre, ou bien l'arbre au complet, ou bien des fois, c'est un rocher, ou bien ça peut être n'importe quoi. Et les gens, ils vont dans cette chose-là pour chercher une bénédiction. Ou des fois, c'est une tombe, hein, un tombeau d'un wali, que eux ils pensent qu'il peut bénir les gens, ou qu'il peut guérir les gens, ou des choses comme ça. Et donc le cheikh, il dit, le fait de s'accrocher à ce genre de choses, pour rechercher la bénédiction de ces choses-là, eh bien, ça c'est une forme de shirk. Hein? C'est une forme de shirk dans l'adoration. C'est comparable à l'adoration des idoles. C'est exactement la même chose. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit ensuite le cheikh, قوله لتركبن لتركبن سنن من كان قبلكم, c'est-à-dire vous allez embarquer sur les voies de ceux qui vous ont précédés, hein, parmi les juifs et les chrétiens. Et le cheikh, il explique que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait annoncé et ce dont il nous avait averti s'est produit. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il fait deux commentaires ici. Le premier commentaire, c'est à propos du fait que si on s'accroche à quelque chose en dehors d'Allah pour nous rapporter un bien ou repousser un mal quelconque, que cette chose-là, c'est une divinité, qu'on l'appelle divinité ou non. Hein? C'est un dieu pour nous, même si on ne l'appelle pas Dieu. Ça, c'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont prendre des objets comme source de bénédiction. Hein? Et ils ne les appellent pas idoles, et ils ne les appellent pas Dieu. Hein? Lorsqu'un chrétien, par exemple, il prend un crucifix, et il se l'accroche dans le cou, et qu'il pense que ça va le protéger, il ne dit pas que ce crucifix-là, c'est un dieu. Hein? Il ne dit pas ça, c'est un dieu. Ou il ne dit pas c'est une idole. Et il ne l'appelle pas idole non plus. Mais le cheikh, il explique que c'est pas parce que tu l'appelles pas dieu, c'est pas parce que tu l'appelles pas idole que tu n'en fais pas un dieu et que tu n'en fais pas une idole. Et ça, c'est une nuance très importante qui nous aide à comprendre que ce n'est pas une condition pour que quelque chose devienne un dieu ou une divinité pour soi ou pour quelqu'un. C'est pas une condition qu'on l'appelle Dieu. Et c'est pas une condition qu'on pense que, nécessairement qu'elle soit un Dieu. L'important, ou bien qu'est-ce qui fait que ça devient une idole, qu'est-ce qui fait que ça devient une divinité pour quelqu'un ou pour une personne, c'est le fait de l'adorer. Déjà, le fait, juste en l'adorant, ça suffit comme, hein, comme, yani, acte pour, ça suffit comme, une chose pour faire en sorte que cette chose-là soit considérée comme étant une idole ou un dieu pour quelqu'un. D'accord? Et ça, c'est comme pour dire, par exemple, que si quelqu'un pense que son stylo, hein, ou bien une gomme à effacer, ou bien une paire de ciseaux, ou bien ça peut être yani, n'importe quel objet, une pièce de monnaie spéciale. Il dit, ah, cette pièce de monnaie-là, elle est particulière. Elle a un pouvoir spécial. Elle peut me protéger. Donc, il garde toujours cette pièce de monnaie dans sa poche. Il l'a reçue de quelqu'un. Et peut-être que c'est une pièce d'une année particulière ou d'un pays particulier. Ou bien de quelqu'un. Il lui donne une valeur. Il pense qu'elle porte bonheur, cette pièce. Hein? Donc, il la met dans sa poche et puis il la garde avec lui. Il dit, ça, c'est ma pièce porte-bonheur. Hein? Elle peut me protéger contre un mal. Elle peut ramener du bien dans ma vie. Ça, en faisant ça, en ayant cette idée-là, cette croyance-là dans son cœur par rapport à cette pièce de monnaie, il en a fait un dieu. Et c'est devenu une idole pour lui, même s'il ne le dit pas, même s'il ne va pas exprimer cette idée-là avec des mots en disant ça c'est Dieu ou c'est un Dieu pour moi. Le fait qu'il ait cette attitude-là envers cette pièce, ça en fait un Dieu pour lui de toute façon. Ça c'est très important à comprendre. Et c'est ça que le cheikh il explique ici, cheikh Al-Fawzan. Il dit « Wa illam yusammouha alihatan » أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يقولوا اجعل لنا إلها قالوا اجعل لنا ذات أنواط وهي نفس الآلهة وإن لم تسمى آلهة. Donc il dit, le peuple de Bani Israël, les fils d'Israël, ils ont dit, désigne-nous un dieu ou une divinité, hein, comme eux ils ont des divinités. Parce qu'ils ont utilisé le terme divinité, hein? Alors les gens vont se dire, ah, mais comment ils ont pu dire, désigne-nous une divinité? Ça, c'est clair que c'est du shirk. Mais les sahaba, ils n'avaient pas dit, désigne-nous une divinité. Les sahaba, ou bien plutôt pas les sahaba, mais ceux qui s'étaient justement convertis tout nouveau à l'islam, qui venaient juste de se convertir, ils n'ont pas dit « désigne-nous une divinité ». Ils ont dit « désigne-nous that anwat », un arbre sur lequel on peut accrocher nos épées et nos arcs et nos flèches, hein, qui va donner de la bénédiction à nos armes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en leur disant, c'est la même chose que qu'est-ce que Bani Israël a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de demander là, c'est la même chose que Bani Israël a demandé à Moussa, désigne-nous un dieu ou une divinité comme celui des mouchriquins, hein, les divinités qu'ils ont. C'est la même signification, même si on ne l'appelle pas Aliha, c'est la même chose. Et le cheikh, il explique ensuite et il dit, donc on voit, hein, donc par conséquent, que de faire ça, d'offrir une adoration à un objet ou à une créature quelconque, ça fait en réalité, ça devient une forme de shirk. Et c'est comparable à l'adoration des idoles. Et ensuite, le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi avait prophétisé que dans la Ummah, il y allait avoir des individus qui allaient suivre les juifs et les chrétiens. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني من القوم إلا هؤلاء donc ça veut dire que dans un autre hadith le prophète صلى الله عليه وسلم il a mentionné ça, il dit vous allez suivre les gens qui vous ont précédé, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et ils ont dit, c'est-à-dire les sahabas, ils ont posé la question, « Ô messager d'Allah, tu parles des juifs et des chrétiens ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Qui d'autre ?» Hein, qui d'autre ? Et donc, ça c'est pour annoncer, hein, c'est comme pour avertir les musulmans de ne pas les imiter, de ne pas les suivre, de ne pas suivre les juifs et les chrétiens. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va arriver, mais c'est un avertissement de ne pas le faire. Et en même temps, ce n'est pas tous les musulmans de la Ummah qui vont les suivre, mais une portion de la Ummah qui vont les suivre, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé qu'il y allait toujours avoir un groupe dans sa Ummah qui vont rester accrochés à la vérité et victorieux. Ils vont être victorieux sur la vérité jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement. Donc ça prouve que ce n'est pas tous les musulmans qui vont être égarés ou qui vont s'éloigner de la guidance de la sunna, hein, et du prophète, de la guidance du Coran et de la sunna, mais que certains musulmans allaient quitter la guidance du Coran et de la sunna pour suivre les juifs et les chrétiens. Donc, on est ordonné par Allah et par son messager de s'accrocher à la guidance de l'islam et de faire partie, d'essayer de faire des efforts pour faire partir du groupe victorieux et du groupe sauvé. Le groupe d'entre les musulmans qui ne va pas suivre les juifs et les chrétiens et qui ne va pas dévier du droit chemin. Ça, c'est très important. Pourtant, on voit aujourd'hui, hein, à part les salafis, il n'y a personne qui, justement, appelle les musulmans à s'accrocher au Coran et à la sunna, hein, et à rester sur la voie des salafs pour justement s'éloigner de la voie des kuffars et des mushrikines. Il n'y a personne qui insiste là-dessus plus que les musulmans de Ahl Sunnah, c'est-à-dire les salafiyoun. Et après, le cheikh, il explique, il dit donc, « Farakibu tariqa man kana qablahum » Ils ont donc emprunté et monté sur les chemins de ceux qui les avaient précédés, hein, comme cela a été mentionné dans les hadiths authentiques. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, « Bal zada shirku fi haula al-muta'akhirina an shirk al-awwalin. Lianna al-awwalina yushrikuna fi al-rakha wa yukhlisuna fi al-shidda amma haula al-mushrikuna fi hadhihi al-azmina fashirkuhum da'imun fi al-rakha'i wa fi al-shidda. Bal idha waqa'u fi al-shidda zada shirkuhum wa munadatihim بمعبوديهم من دون الله عز وجل وعندهم لا يخلص من الشدائد إلا أصحاب القبور فيزين لهم شياطين الإنس والجن هذا الشيء فيقولون لهم نحن نخلصكم إذا وقعتم في شيء فنادونا ونحن حاضرين وأحدهم يوصيهم يقول لهم أنا إذا مت فلا يصدكم عني ذراع من التراب، إلجأوا إلي ونادوني أنا قريب لكم والعياذ بالله. فإذا كان هذا في أتباع اليهود والنصارى وهم أصحاب ديانة ومن أتباع الرسل، فكيف بغيرهم من المشركين الوثنيين والدهريين الذين لا دين لهم ولا يؤمنون بالرسل ولا بشيء؟ تقليدهم سواء، فلا يجوز تقليد الكفار مطلقا، لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan il explique que le shirk, il dit que même que le shirk des gens qui viennent après dans la Ummah aujourd'hui, comme ceux qui aujourd'hui font parmi les musulmans du shirk, il dit leur shirk est beaucoup plus grave que le shirk des premiers mushrikines. Parce que les premiers parmi les mushrikines anciens, dans l'ancien temps, ils faisaient le shirk seulement quand ils étaient dans les situations d'aisance, quand ils étaient en sécurité et en paix. Ils faisaient le shirk, ils adoraient leurs idoles. Mais quand ils étaient dans une situation de difficulté et de détresse et de danger, ils oubliaient leurs idoles et ils vouaient leur adoration qu'à Allah seul. Hein? Ils laissaient tomber leurs idoles parce qu'ils savaient que dans les moments de détresse, personne ne pouvait les aider excepté Allah Azza wa Jal. Donc ça prouve que les mushrikines, ils croyaient en Allah aussi. Hein? Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Même que certains parmi les kuffars aujourd'hui, ils disent « Ah, mais ça veut dire qu'en réalité, hein, c'était des monothéistes, hein, puisqu'ils croyaient en Allah, en un Dieu unique. » Parce qu'ils n'ont pas compris la réalité du tawhid et la réalité du shirk. Ils ne savent pas que même si quelqu'un croit en un Dieu unique, il peut être un mushrik quand même. Quelqu'un peut être un mushrik même s'il croit en un Dieu unique. La preuve, regardez les chrétiens. Ils disent qu'ils croient en un Dieu unique. Pourtant, ils sont mushrikines. Ils sont des mushrikines. Pourquoi? Parce qu'ils adorent d'autres que Allah. Et ils croient en d'autres que Allah en même temps. Ils prient à des idoles, ils prient à des idoles parmi les saints, hein, ils les appellent des saints, ils prient à Jésus, qu'ils appellent Dieu, ou qu'ils appellent fils de Dieu, ils l'adorent en dehors d'Allah, ainsi que Marie, ils la prennent comme une déesse, hein, comme une sorte de divinité. Donc tout ça c'est des exemples d'idolâtrie et de shirk. Alors que quand tu leur demandes combien il y a de dieux, ils vont te dire il y a un dieu unique. Et c'est écrit dans l'Ancien Testament, clairement. Même parmi les juifs aussi, la même chose. Il y en a qui adorent des prophètes, il y en a qui prient à des prophètes, il y en a qui prient à des rabbins, il y en a qui prennent des rabbins comme intermédiaires ou intercesseurs. Ils vont à leur tombe, ils les adorent en dehors d'Allah, ils mettent leurs photos sur les murs. Hein? Donc ça, c'est des exemples de shirk aussi. Et tu vas trouver ça également chez certains musulmans qui disent qu'ils croient en Allah. Et ils disent « La ilaha illallah ». Et ils disent « Muhammad Rasulullah ». Pourtant, quand ils ont des ennuis ou des problèmes, ils se tournent vers la tombe. Ils se tournent vers la tombe d'un wali pour demander le support et l'aide et le secours. Au lieu de se tourner vers Allah seul. Ils prennent d'autres avec Allah comme idole, hein? comme allié, comme associé, comme partenaire avec Allah dans l'adoration. Ça, c'est du shirk. D'accord? Donc, le shirk, il explique et il dit, donc ça, c'est la différence avec les mushrikines d'avant, les mushrikines d'aujourd'hui. Les mushrikines d'avant, ils faisaient le shirk dans l'aisance, quand ils n'avaient pas de problème. Mais quand ils avaient des problèmes, ils se tournaient juste vers Allah et ils oubliaient les idoles. Mais les mushrikines d'aujourd'hui, ils sont pires parce que ils font le shirk et ils prient autre que Allah dans les moments d'aisance et encore plus dans les moments de difficulté. Hein? Donc, ils sont pires dans leur shirk, puisque dans les moments d'aisance, ils n'abandonnent pas leurs divinités ou leurs idoles. Au contraire, ils les adorent encore plus. Et ils les appellent au secours. Et il dit, le cheikh, que hein, quand ils ont un problème, ils pensent que personne ne peut les sauver ou les aider, excepté les gens qui sont dans les tombes. Et le shaitan, parmi les shayatines, les diables humains et les diables djinns, les encourage à ça. Hein? Et ils leur disent, personne ne peut vous sauver quand vous êtes dans une difficulté. Hein? Personne ne peut vous sauver sauf nous. Allah al-Musta'an. Il dit donc, si vous avez un problème, appelez-nous. Hein? Qu'on soit vivant ou qu'on soit mort. Il dit, c'est pas quelques mètres de terre qui va nous empêcher de vous aider. Hein? Donc, appelez-nous, même si on est enterré, même si on est mort, on est proche. Et on vous entend. Et on va vous secourir. A'udhu billah. Donc ça, le cheikh, il dit, ça c'est des choses qu'on a entendues chez les juifs et les chrétiens et ceux qui les suivent, qui prétendent être sur la religion des prophètes. Hein? Alors si c'est le cas de ces gens-là, que dire des idolâtres et des mouchriquines et des athées qui n'ont pas de religion ou des animistes qui prient à des esprits ou à des morts hein, ou à leurs ancêtres. Et qui ne croient pas en la religion d'Allah et la religion des prophètes. Donc, c'est la même chose. Dans les deux cas, c'est du shirk. Et donc, c'est pour cette raison-là que hein, il n'est pas permis pour nous d'imiter les koufars, peu importe qu'ils soient des koufars des gens du livre, hein, les juifs et les chrétiens, ou des autres parmi les mouchriquines, que ce soit des bouddhistes, ou des hindous, ou yani, peu importe les autres croyances qu'ils peuvent suivre, qui sont loin de la foi du tawhid et de la religion des prophètes. Et ensuite, le cheikh, donc, il explique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné dans le hadith, vous allez suivre la voie des gens qui vous ont précédé, étape par étape, pas à pas. Hein? Et s'ils rentrent dans un trou de lézard, vous allez rentrer vous aussi, hein, pour les suivre. Et les sahabas ont dit, oh, messager d'Allah, est-ce qu'il s'agit des juifs et des chrétiens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faman. Hein? Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Et dans une autre narration, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faman, wa man innas illa ula'ik. Yani, c'est qui les gens excepté eux? Yani, en voulant dire, qui d'autre? Donc ça, c'est yani, pour nous avertir de ne pas les imiter. Malheureusement, regardez aujourd'hui l'état de beaucoup de musulmans dans le monde. Et vous voyez que à cause de la colonisation, hein, qui est une des conséquences de notre éloignement du Coran et de la Sunna, et de nos péchés et des divisions, et de la bid'a, hein? À cause de ces bid'a, à cause de ces divisions, les musulmans se sont affaiblis et les koufars ont été capables, à cause de ça, de rentrer dans les pays musulmans et de prendre le pouvoir sur beaucoup d'entre les pays musulmans. Et ceux, dans les pays dans lesquels ils n'ont pas été capables d'entrer militairement, ils sont rentrés avec leurs influences culturelles, avec d'autres moyens, hein, pour essayer d'influencer les esprits des musulmans. Donc là où ils n'ont pas été capables d'entrer physiquement, eh bien ils essaient de rentrer psychologiquement pour essayer d'avoir le dessus et pour contrôler les musulmans. Ce qui fait que beaucoup d'entre les musulmans aujourd'hui ont l'idée que d'imiter les juifs et les chrétiens et de les suivre, les koufars, que c'est obligatoire. si on veut avoir le succès et le bonheur sur terre. Même s'ils ne le disent pas avec leur bouche, comme on dit, lisan al-hal, la réalité de qu'est-ce qu'on voit confirme qu'ils le disent par leurs actions. Hein? Ils le disent par leur situation, par leur état, non pas par leur langue. Et il y en a même qui le disent par la langue, hein? Parmi les munafiqines et les gens de l'égarement. Donc ils sont convaincus qu'il n'y a pas de bonheur possible sur terre, excepté en suivant tout ce qui vient de chez les kuffars de l'Occident ou de l'Orient. Hein? Donc ils disent qu'il faut suivre leur système politique, leur système économique, leurs idéologies, hein, leur théorie ou leurs hypothèses scientifiques ou pseudo-scientifiques parfois. Tout ça pour dire que yani, beaucoup de musulmans, ils acceptent uniquement d'être le chariot. Hein, le chariot qui se laisse tirer par les autres. Et ils ont baissé les bras. Ils ont abandonné la lutte et le combat pour défendre la religion d'Allah et le tawhid et pour justement élever la parole d'Allah au-dessus de tout ce qui est faux sur terre. Ils ont abandonné. C'est comme pour certains d'entre eux, ils s'imaginent que ça y est, on ne peut rien faire pour changer, peu importe la situation. Et ils oublient que la force et que le secours vient d'Allah seulement. Et qu'avec Allah et avec son aide et son support, tout devient possible. Du moment qu'on fait les causes nécessaires. Hein? Mais ça, il faut, pour avoir cette conviction-là, il faut avoir la sincérité envers Allah et il faut demander sincèrement à Allah de nous aider et suivre la guidance. Mais celui qui a des doutes dans son cœur ou qui est faible ou qui est séduit par le faux, il va pas comprendre ces choses-là. Parce que beaucoup de gens sont superficiels. Hein? Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il dit, cheikh al-Fawzan, pour terminer cette explication de ce hadith, le dernier commentaire à ce sujet dans ce chapitre, il dit « Man dalla la yakunu qudwatan walau kana aliman. » اليهود بالذات عندهم علم عندهم أحبار لكن علماء ضلال والعياذ بالله أهل الضلال وإن كانوا علماء لا يطاعون لأن الله حذرنا من ذلك وأمرنا بتجنب طريقهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فعلماء الضلال مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق من علم ومعرفة فغضب الله عليهم ولا الضالين وهم الذين ليس عندهم علم يعبدون الله بالجهل والضلال وهم النصارى ومن شابههم. Donc le cheikh, il termine l'explication en disant « Quiconque est égaré ne peut pas être un modèle à suivre, même s'il a de la science. Quiconque est égaré ne peut pas être un modèle à suivre, même s'il a de la science. » Va faire comprendre ça aux hizbiyyin. À chaque fois que tu leur expliques, ils disent « Oh, les salafis, ils ne respectent pas les ulama. » De quel ulama vous parlez? Hein? Le cheikh Al-Fawzan, il dit ici, les juifs, ils ont des ulama, ils ont des rabbins qui ont beaucoup de science, beaucoup de savoir. Hein? Pourquoi on ne les suit pas? Parce qu'ils sont égarés. Parce qu'ils sont dans l'égarement. Et donc, les gens de l'égarement, même s'ils sont des ulama, on ne les suit pas. Et c'est la même chose pour les gens de bid'ah. Si des gens de bid'ah, ils ont du ilm, ils ont de la science, On ne doit pas les suivre, même s'ils ont de la science. Alors que dire s'ils n'en ont pas? Il y en a qui suivent des gens qui n'ont pas de science, même s'ils n'ont pas de science. Ils savent qu'ils n'ont pas de science, ils les suivent quand même. Hein? Comme c'est Qutb, Hassan al-Banna, et des gens de ces catégories-là. C'est des gens égarés. Et toi, tu dis, ah, t'as pas de respect pour les ulama. Mais est-ce que c'est Qutb, c'est un alim? Hein? Qui parmi les ulama de la Umma a dit que Sayyid Qutb est un alim? Qui parmi les ulama de la Umma a dit que Hassan al-Banna était un alim? Qui parmi les ulama de la Umma ont dit que ces gens-là avaient du ilm? Personne. Hein? Sinon, si c'est des gens de Hizbiya, à la base, qui sont eux-mêmes dans la bid'a, qui les ont glorifiés. Mais à part ça, il n'y a personne qui va les glorifier, ces gens-là. Et donc, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais si, si tu ne connais pas le ilm lui-même des salafs et la connaissance des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis, eh bien, tu ne vas pas comprendre. Aujourd'hui, quand tu dis aux gens les salafs, beaucoup de gens ils comprennent même pas de qu'est-ce que tu parles. Hein? Et ils pensent que c'est un groupe de personnes qui est apparu à notre époque, une nouvelle secte. Ils disent, ah, les salafis, c'est une nouvelle secte qui est apparue. Subhanallah, ça c'est l'ignorance totale. Les sahaba, est-ce que c'est une nouvelle secte, les sahaba? Eh bien, les salafs, c'est les sahaba. Donc, comment tu peux dire que c'est une nouvelle secte qui est apparue à notre époque? Hein? De suivre les sahaba, c'est une nouvelle secte? Qui a dit ça? Même le professeur sallam, il nous ordonne de suivre la guidance des sahaba. Et il nous dit qu'il y a 73 sectes qui vont, cette umma va se diviser en 73 sectes. Il a dit, toutes ces sectes sont en enfer excepté une, et c'est celle qui me suit moi et ce que je suis, hein, ainsi que mes compagnons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Est-ce que ça veut dire que tu dois suivre un salaf en particulier parmi les salafs? Non. Un salaf, en tant qu'individu, il ne représente pas la guidance. Mais c'est la voix des salafs en entier qui est la guidance lorsqu'ils se sont tous mis d'accord sur quelque chose. Mais c'est ça que certains comprennent pas. L'autre jour, j'ai vu des ignorants comme ça qui ont fait une image sur Twitter. Ils ont mis ça. Lorsque, par exemple, ils disent « il faut suivre les salafs ». Alors, eux, ils ont répondu « oui, nous, on suit Abu Hanifa ». Hein, en voulant dire, lui, on a déjà suivi un salaf, on suit Abu Hanifa. Hein? Et là, il montrait pour dire que le salafi était fâché de cette réponse-là. Il dit non, c'est pas lui qu'il faut suivre. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas compris qu'est-ce que suivre les salafs signifie. Hein? Même un sahabi, en tant qu'individu, tu vas pas le suivre dans tout ce qu'il fait. Parce que un sahabi, il peut se tromper dans quelque chose. Alors, la chose dans laquelle il s'est trompé, est-ce qu'on a le droit de le suivre? Non. S'il a fait une erreur, on n'a pas le droit de le suivre. Même si c'est un sahabi. Mais c'est ça le manhaj même des salafs. La méthodologie des salafs, ça veut dire que quand tu suis le Coran et la Sunna, tu dois le suivre selon la compréhension et la méthodologie des salafs. Et la méthodologie des salafs, lorsqu'il y a une divergence, c'est de retourner à la preuve, retourner au principe du Coran et de la Sunna et chercher la vérité et de suivre ça. Il n'y a personne qui a jamais prétendu, et en commençant par Abu Hanifa lui-même, il n'y a jamais personne parmi les savants de la Umma et parmi les imams qui ont prétendu avoir raison dans tout ou qui ont ordonné aux musulmans de les suivre aveuglément dans toutes leurs positions. Aucun des savants aurait dit une chose pareille. Et s'il l'aurait dit, il ne serait plus digne d'être suivi dans quoi que ce soit, même de les prendre comme référence dans la religion. Pourquoi? Parce que un savant n'a pas le droit de dire ce genre de choses. C'est inacceptable. Donc c'est pour ça ici, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ici, si c'est des gens, par contre, qui sont dans l'égarement, hein, des savants, des shi'a, rafida, combien? Il y en a beaucoup, regarde Khomeini. Est-ce que Khomeini, il n'avait pas du ilm? Oui, il avait de la connaissance, mais c'est un égaré, hein, qui appelle au shirk et au kufr, et qui adore des êtres humains en dehors d'Allah, et qui croit que Ahlul Bayt, on peut les adorer en dehors d'Allah, et qui fait du shirk avec les morts, hein, qui adore les morts et qui croit que les descendants d'Ali sont des divinités, hein, qu'ils contrôlent les atomes de l'univers, ou que les atomes de l'univers se prosternent devant leur autorité, les soi-disant 12 imams. Donc ça, c'est des exemples de d'égarement. Si quelqu'un, il dit, lui, il a du ilm. Quel ilm? Le pape, est-ce que le pape, il n'a pas du ilm? Il a étudié, il a appris beaucoup de choses, il a fait des études pour devenir prêtre, après il est devenu, évêque, après il est devenu pape. Est-ce qu'il n'a pas de science? Oui, il a de la science. Mais est-ce que c'est un égaré? Oui, c'est un égaré, c'est un mushrik kafir. C'est pas juste la science qui fait que quelqu'un, on peut le suivre. Hein? Youssef al-Qardawi. Qardawi, il a du ilm. Dans la religion, il connaît beaucoup de choses. Hein? Probablement beaucoup plus que moi. Beaucoup plus que beaucoup de gens dans la da'wa. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il a plus de science, il est guidé, il est sur le droit chemin? Non. La guidance, ça vient d'Allah. Ça ne dépend pas du niveau de quantité de connaissances que tu possèdes. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris, malheureusement. Hein? Et quand on dit que quelqu'un est guidé ou qu'il est égaré, c'est pas parce que on dit ça parce que on prétend avoir un privilège particulier de détenir la guidance ou de détenir la connaissance. Non. On ne détient pas cette connaissance. Cette connaissance-là, elle appartient à Allah. C'est la connaissance d'Allah. Il la donne à qui il veut. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour la suivre, cette connaissance. Et c'est ça qui fait la différence entre la guidance et l'égarement. Si quelqu'un connaît la connaissance de la vérité, mais qu'il refuse de la suivre, alors il est égaré, même s'il a de la connaissance. Et c'est ça l'égarement. L'égarement, c'est de dévier de la vérité après l'avoir reçue. Hein? Et de suivre ses passions. C'est ça l'égarement. De contredire sciemment la vérité, c'est ça l'égarement. De faire des innovations dans la religion, c'est ça l'égarement. De déformer la parole d'Allah et de changer tout ça pour suivre ses passions, ça c'est de l'égarement. Donc c'est pas une question seulement, hein, de dire je possède des connaissances. Il y a des gens qui possèdent des connaissances uniquement pour contredire cette connaissance qu'ils ont. Donc, elle est où la sincérité là-dedans? C'est comme beaucoup de gens, par exemple, qui étudient le droit dans les pays de Kufr, qui étudient le droit pour devenir avocat. Est-ce qu'ils apprennent réellement ces lois-là pour les appliquer? Non. Souvent, ils apprennent ces lois-là pour savoir comment se faufiler. Comment les détourner, justement. Comment arriver à, justement, faire en sorte que des gens qui sont des criminels soient excusés ou pardonnés, hein, ou qu'ils ne soient pas punis pour les crimes qu'ils ont commis, alors qu'ils ont commis ces crimes-là pour de vrai, parfois. Donc ça, c'est l'exemple des gens qui apprennent des connaissances, pas dans le but de les appliquer, mais dans le but justement de contredire qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est juste. Eh bien, il y a des gens qui sont comme ça aussi, même dans la religion. Ils apprennent la religion pas pour la mettre en pratique, mais pour apprendre comment la contredire. Hein? Comment se faufiler des lois, comment s'écarter, hein? Comment jouer avec les principes et les lois pour égarer les gens. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que le professeur sallam nous a mis en garde contre la voie des juifs et des chrétiens. Et c'est pour cette raison-là que dans chaque raka'a dans la prière, on dit « Ihdina sirat al-mustaqim »« Guide-nous sur le droit chemin »« Sirat al-ladhina an'amta alayhim » »« Le chemin de ceux qui, sur qui tu as mis ta grâce »« Ghayr al-maghdoubi alayhim » et non pas celui sur lesquels tu as mis ta colère. Hein? Et donc le cheikh, il explique que les gens de l'égarement, Allah est en colère contre eux. La colère d'Allah est sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la vérité, mais ils l'ont abandonnée. Ils ont connu qu'est-ce qui est vrai, mais ils ont choisi de contredire ce qui est vrai. Alors à cause de ça, Allah est en colère contre eux. Et pas seulement les juifs, qui sont des gens qui ont de la connaissance et qui contredisent la connaissance, mais toute personne qui rentre dans cette catégorie-là, y compris des musulmans. De même que les égarés sont ceux qui n'ont pas de science et qui adorent Allah avec l'ignorance et l'égarement. Comme les chrétiens, mais pas uniquement les chrétiens, tous ceux qui sont semblables aux chrétiens aussi, y compris les musulmans. Et ça, on retrouve chez les gens de Bid'ah des caractéristiques des juifs et des caractéristiques des chrétiens. Et tous ceux qui rentrent dans cette description et dans ces caractéristiques-là, eh bien, ils entrent dans cette description aussi. D'accord? Même s'ils sont musulmans. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est la conclusion donc de ce chapitre. Et au prochain cours, Inch'Allah, on continuera avec l'explication d'un nouveau chapitre, et c'est le chapitre 10 qui s'intitule Bab Manja'a fi dhabhi li ghayrillah. Le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté, hein, au sujet de faire des sacrifices et de gorger des animaux pour autre que Allah. Hein, et que ça, c'est du shirk. On va expliquer les détails à ce sujet-là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.